la salle était vide d'attendre quand t'as poussé ton premier cri. Sans même te donner à comprendre, ils t'ont donné à une amie qui t'a nommé du nom de la Vierge. Pas par hasard, ma petite Marie, t'as plus qu'à brûler comme un cierge pour laisser une trace dans l'oubli. Je pars, mon enfant, je pars, tu dors, mon enfant, tu dors, mais je pars. Je pars, mon enfant, je pars, tu dors, mon enfant, tu dors, mais je pars. Y'a pas de secret, y'a pas de mystère, que ce tu tiens de tes parents se joue de toi dans l'inconscient, te font rêver d'un nom du père disparu dans la tourmente d'une histoire trop compliquée, d'un homme qui prend la tangente, laissant derrière son nouveau lit. Je pars, mon enfant, je pars, tu dors, mon enfant, tu dors, mais je pars. À tes enfants, ce que t'as bu de tes parents. Y'a plus d'adresse depuis longtemps, y'a pas de sens au mot maman. La vie est ainsi faite et sans cesse se répète. T'aurais voulu lui dire un mot, il a fermé les yeux trop tôt. Je pars, mon enfant, je pars. Tu dors, mon enfant, tu dors, mais je pars. Quel drôle de jeu, y a plus de mer à boire. Quel pauvre jeune. Et tu t'accroches comme tu peux à cet enfant tant oublié, que tu crois déjà assez grand pour tout pouvoir lui expliquer. Que la vie est mal faite, sans cesse se répète, et que tu ne peux donner que les mots qu'on t'a laissés. Je pars, mon enfant, je pars, tu dors, mon enfant, tu dors, mais je pars. Je pars, mon enfant, je pars, tu dors, mon enfant, tu dors, mais je pars. Je pars, tu dors, mon enfant, tu dors, mais je pars. Je pars, mon enfant, je pars, tu dors, mon enfant, tu dors, mais je pars.